directement. Mais le soir venu. Mon amour. Si je t'ai offensé, pardonne-moi. Si je t'ai fait du mal, pardonne-moi. C'est du don d'entonné à thé. C'est du collé-collé à yé. Tu me touches, je te touche à yé. Tu m'embrasses, je t'embrasse à thé. Je sens de bien toi aussi. Les moyens de la reine. Oh ma boule, ma boule, ma boule, ma boule, ma boule. Aussi ma santé dans la qui s'est baillé. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Et tu es aussi, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Et tu es aussi, pardonne-moi. Et tu n'as pas de la boussane de moi. Comment as-tu dit pas audition? Son au sang quoi et voilà. Ou ma dinga pour la moula dit t'aime non. Hey. I love you baby. Tá levando de nome. Aviron. Fais de moi ce que tu veux.